1. Bonjour, je m'appelle Aya. Et toi? Deux. Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis belge. Trois. Bonjour, je m'appelle Léo. Je suis professeur. 4. Salut, je m'appelle Anaïs et j'habite à Nice.